équipes sont formées et les balles bluffent. Les petits sont entraînés, les mamas pleurent. Domaine soi-disant, c'est le temps, tu dis plus hello. Tu dis plus hello. Qu'est-ce que ces jeunes feraient pas pour un billet yellow? Pour un billet yellow. Y'a de la fumée, y'a de la beurre. Mon cœur dans le congélateur. Aujourd'hui, ils font les machins sur moi, demain, ils viendront me sucer la queue, queue, queue. C'est le ghetto, oh, oh. Y'a des couteaux, des métaux, oh. Ça a l'écran, oh. Eh ouais, mais les gars donnent des go, oh. Si vous voyez des BDA sur votre route, tapez-les, tapez-les. Vous parlez de comme si c'était des grands voyous, sucez-les, entapez-les. Amenez-les, faut qu'on les foque, y'a de la jack dans le gobelet. Tu gueules quand ta grand-mère la pouffe. C'est cette cagoule pour la tête sur le roof. Faut pas, papa va y avoir des blessés sur ma route. J'ai des CP au Lambo. Sans la péter, ouais, sans faire le Rambo. Depuis que j'ai goûté la vitesse, j'suis accro. J'en ai sûr. Tu veux faire dur. Nage pas quand t'as pas pied. Mets pas les pieds sur mes chaussures. J'mélange pas dans les coulisses. Sorti mon champ, j'suis la police. Toujours une dent contre la police. Lui, il m'a l'air égoïste. Enculé, ça c'est le son des gorilles. Là je vais les choquer, I'm sorry. J'ai mis le bang dans la Philippe Maurice.